Combattez la morosité de l'hiver et offrez-vous l'expérience du mois multi, le Festival international d'art multidisciplinaire et électronique de Québec. Dès le 29 janvier, retrouvez Kit Kuna et son éblouissant spectacle Le Voyage d'hiver, la voix ensorcelante de Michael Bielinski dans un concert immersif, une rencontre scénique intimiste avec l'artiste américain Zachary Oberzan et un mystérieux théâtre d'ombre et de lumière pour toute la famille. Tout février, le mois multi propose 25 jours de festivités pour découvrir un programme d'œuvres éclectiques hors du commun. Intrigué? Détails au moismulti.org. Billets en vente sur lepointdevente.com. Ça a commencé avec le Montignac. Après ça, il y a eu l'Oriental puis l'Occidental. J'ai aussi essayé le Paléo, le 5-2, le Californien, le Atkins. Des régimes, j'en ai fait un puis un autre. Mais je pensais jamais qu'un jour, je serais rendu au régime forcé. Le visage de la pauvreté change. Jusqu'au 24 décembre, c'est la grande guignolée des médias. Donnée chez Maxi, Provigo, Jean Coutu et Via Capital. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio dédié aux arts visuels à Québec. Audrey Carreau à l'animation de cette édition du 8 décembre, et on approche tranquillement du temps des fêtes. Il nous reste encore quelques expositions à l'affiche à Québec et dont on avait vraiment envie de vous parler. Donc, on est encore là cette semaine, la semaine prochaine, ainsi que le 22, où on se réserve un spécial de Noël. Donc, soyez à l'écoute. Aujourd'hui à l'émission, j'aurai le plaisir de discuter avec nos chroniqueuses Marie-Claire Tremblay et Louane Bourdeau qui ont été voir L'art en soi à la Villa Bagatelle. C'est une exposition principalement centrée sur le spectateur. On en discutera à trois pendant la première moitié de l'émission. Puis en deuxième demi-heure, je m'entretiendrai successivement avec Frédéric Cordier qui expose actuellement chez Engram, ainsi qu'avec Stéphanie Auger qui présente l'exposition Le Plan chez Regard à Lévis. Bien sûr, vous rappelez que vous pouvez trouver toutes mes actualités en art visuel à Québec, ainsi que la balado-diffusion, le calendrier des événements, des billets qui sont aussi publiés par nos collaborateurs, et bien sûr, comme toujours, la sélection audio de Simon Roy. On peut le faire tout autant sur la page de l'émission l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com ou bien même sur notre page Facebook qui est, à vrai dire, animée quasiment à tous les jours. Donc, allez faire un tour, aimez notre page et vous saurez tout sur l'art visuel à Québec. Mais bien sûr, comme à toutes les deux semaines, on se permet une petite revue des actualités en art visuel. Et une courte nouvelle pour débuter. À la fin de novembre, l'équipe de la Foire en art actuel de Québec a dressé son bilan de sa troisième édition. Plus de 1000 visiteurs ont franchi les portes de l'Œil de Poisson du 22 au 25 octobre dernier afin d'assister à l'événement qui présentait le travail de 18 artistes qui ont été sélectionnés par la commissaire Anne-Sophie Blanchet. En tout, ce sont 47 œuvres qui ont trouvé preneur au cours de cette fin de semaine et le conseil d'administration se dit plus qu'heureux de ce dénouement. Ensuite, on a dévoilé la semaine dernière, donc lundi dernier, le 30 novembre, lors de la soirée des prix d'excellence des arts et de la culture de la Ville de Québec, on a remis les prix Vidéré en art visuel. Ces prix qui sont, à vrai dire, décernés par Manif d'art, qui est l'organisme qui, justement, gère, si on peut dire, cette portion, qui cherche à nommer ses gagnants des prix Vidéré. considérés. Donc, on en a remis 3 en tout parce qu'il y a 3 catégories. Premièrement, le prix Videré relève en art visuel est allé à Charles Fleury pour son exposition Apparition futuriste en aval des couches et du suprême qui a été présentée au mois de mars et avril dernier au Centre Vue. Et le jury a voulu saluer l'audace de l'artiste qui, pour cette exposition, a développé des interventions tant photographiques que plastiques autour des personnages à la physionomie déchirée afin de déconstruire nos codes sociaux. Ce prix, donc, est attribué à un artiste de la scène émergente qui cumule moins de 7 années de pratique. Donc, et que bien sûr, sa production récente avait marqué la programmation artistique de la dernière année. Ensuite, le prix Videré Création en art visuel, qui est remis cette fois-ci à un artiste qui cumule plus de 7 années de pratique et bien sûr dont la production récente s'est démarquée, eh bien cette fois-ci c'est allé à Jacinthe Carrier pour son projet vidéo Les œufs, présenté donc du 6 septembre au 10 octobre 2014 à la bande vidéo. Le jury a été sensible à la dimension intimiste de ce projet qui fait interagir des individus anonymes tout en s'attachant à restituer leur union silencieuse. Jacinthe Carrier a effectué ici une vraie prise de risque en osant changer de paradigme par rapport à ses œuvres précédentes, mais sans renier son identité artistique, disait le jury. Et le Grand Prix Videré Reconnaissance en art visuel, eh bien cette fois-ci, cette distinction est attribuée à un artiste qui cumule plus de 20 années de pratique et qui s'est bien sûr démarqué au cours de cette dernière année, mais qui a eu une originalité, une qualité remarquable de ses œuvres. Et ce prix est allé à Don Darby, qui a bénéficié l'an dernier d'une rétrospective à la Maison Amel Bruno. Justement, Julie Gagné en avait parlé l'année dernière. Donc, Don Darby, qui quand même est né en 1937 et qui s'est établi à Québec depuis 1971, donc qui a plusieurs années de pratique derrière la cravate. Il a enseigné pendant 30 ans les arts plastique au Cégep de Sainte-Foy. Donc, félicitations à vous trois pour ce remarquable prix qui leur a été attribué dernièrement. Sinon, le Musée national des beaux-arts du Québec annonçait la nomination de 2 nouveaux directeurs. Premièrement, Mme Annie Gauthier, à titre de directrice des collections et de la recherche, ainsi que M. Jean-François Lippé, comme directeur du marketing et des communications. Madame Gauthier, depuis 2012, était à la tête donc du Musée d'art de Joliette comme directrice générale et a su faire rayonner cette institution qui avait de forts gros projets donc de mise aux normes et de rénovation de ses bâtiments. Mais c'est une dame qui œuvre depuis plus de 15 ans dans le milieu artistique au Québec et au Canada. Alors que pour M. Lippé, qui, à vrai dire, œuvre dans le domaine des communications et du marketing depuis plusieurs années, il a d'ailleurs sa propre boîte de communication, si on peut dire, de consultation en communication et marketing, Lippé Communication, donc, et cumule plusieurs expertises, justement, au sein d'entreprises ou d'organismes culturels. Donc, ces gens entreront en fonction, Mme Gauthier, dès le début de avril 2016, alors que M. Lippé, bien, à vrai dire, a commencé cette semaine. Donc, plein de nouveaux au sein de la direction du musée. Sinon, une nouvelle toute fraîche, on apprenait ce matin les récipiendaires, donc, des bourses Première Ovation, donc, en arts visuels, arts médiatiques et métiers d'art. Plusieurs artistes, bien sûr, jeunes artistes de la région de Québec, à vrai dire, Charles-Étienne Brochu et Sarah Leroux se sont mérités des bourses de Première Exposition individuelle. Une bourse de mentorat a été attribuée, sinon, à Samuel Breton, qu'on avait reçu c'était de la deuxième émission cette année, ou en tout cas en début d'année. Sinon, on a également aussi une bourse de création et de production pour Anne-Marie Groux, Annie Charland-Thibaudeau, bien sûr, une de nos collaboratrices ici à l'émission, ainsi qu'Andréane Gagnon aussi, que vous entendez également à ce micro, Caroline Belzé-Normand, Charles-Frédéric Ouellette, Jessie Mélissa Bossé, Julien Lebarger, Nathalie Gagné, Romy Brosseau, Olivier Dessert et Mylène Michaud. Mais également aussi une bourse de soutien à la diffusion des projets de la relève à Québec et à l'extérieur de Québec. Ça a été attribué à Camille Rajotte, qu'on a également reçue à l'émission. Alors voilà, ça fait le tour des brèves actualités que nous avons pour vous aujourd'hui. Et on fait une courte pause audio. Cette semaine, Simon Roy nous propose le groupe Mild Tape et c'est l'extrait Dub Pirate Bows qu'on s'en va écouter. J'ai avec moi en studio Louane Bourdeau et Marie-Claire Tremblay. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Alors, je vous avais mandaté d'aller voir une exposition, L'art en soi, qui est à la Villa Bagatelle. Une exposition assez particulière et qui, à vrai dire, a cours depuis déjà fort longtemps, mais qui se termine cette fin de semaine. Donc, c'est un peu le moment ou jamais pour y aller. Donc, je suis curieuse qu'on s'en jase un peu parce que, comme je disais, c'est un concept assez particulier hein, qui nous est proposé. Peut-être, je ne sais pas, Marie-Claire, si tu veux nous introduire, expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est exactement cette exposition-là, l'art en soi. Oui, bien, le concept, en fait, c'est que, justement, ce que le spectateur est habitué de voir dans une exposition habituellement, bien, on renverse complètement ce mécanisme-là. Au lieu d'arriver dans la salle, de regarder des œuvres et d'avoir des vignettes où on a des informations parfois sur les œuvres ou des textes, mais là, c'est vraiment l'audio guide, en fait, qu'il faut enfiler et tout se passe avec l'audio guide. Ouais. Donc, ben par exemple, concrètement, là. Peut-être de préciser aux gens, dans le fond, c'est finalement, ce n'est pas une exposition sur, par exemple, un artiste ou un collectif d'artistes ou un commissaire aurait sélectionné, par exemple, des œuvres, mais là, c'est une exposition qui ne tourne pas tant autour des œuvres d'art, mais du spectateur, ouais, en quelque sorte. Ouais. Donc, là, l'audio guide que tu nous expliques. Oui, bien, des perceptions, en fait, du spectateur. Mm-hmm. On essaie d'expliquer un peu les mécanismes, justement. Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré ou non vers une œuvre? Tout ça, en fait. Donc, c'est vraiment, le sujet, c'est nous, en fait, en tant que spectateur. Mm-hmm. Puis ça, c'est un peu déstabilisant, hein, quand même. Je pense, pour nous, en tout cas, qui sommes habitués de voir des expos, là, mais Louane... Mais moi, je trouvais ça vraiment intéressant quand même comme proposition parce que, on y reviendra sans doute plus tard, mais ça nous explique qu'est-ce qu'on est en train de vivre devant l'œuvre et ça nous explique aussi, ça nous donne des trucs, comment bien regarder une œuvre, qu'est-ce qui devient intéressant à explorer par rapport, disons, à la distance qu'on a à l'œuvre, s'avancer, se reculer, qu'est-ce que ça va changer dans notre champ de vision. Donc, en soi, je trouve que ça devient une exposition, oui, qui nous apprend des choses, mais qui devient aussi un outil pour après bien comprendre comment regarder une œuvre dans un musée ou dans une galerie ou même chez soi. Comment est-ce que notre vision va changer la perception qu'on peut avoir de ces œuvres-là? Oui, puis finalement, c'est un peu... c'est une exposition à la fois éducative, didactique, justement, puis ce que j'ai trouvé quand même intéressant, qui nous présente une panoplie d'œuvres à la fois plus anciennes, d'autres plus contemporaines aussi. On pourrait y revenir justement sur cette sélection d'œuvres, mais c'est ça, c'est le concept de cette expo-là. Moi, enfin, il faut quand même le dire aux gens, hein, parce qu'il faut se prévoir du temps. Hein? Oui. Je sais pas, vous, approximativement, combien de temps l'avez-vous fait avec l'audio guide? Moi, je l'ai fait avec l'audio guide complètement parce que je me disais, en tant que bonne chroniqueuse, je vais tout voir pour être bien dans fait des choses. Mais ça m'a pris à peu près 1h30, je dirais, faire le tour complet en vraiment en écoutant chacune des capsules. Puis ça, c'est peut-être un point où j'ai trouvé que c'était peut-être un peu, disons... pas ennuyant, mais plutôt le fait qu'il fallait toujours aller redemander la nouvelle capsule. Donc, le fait qu'il fallait toujours jouer avec l'audio guide, j'aurais aimé que ça s'enfile naturellement sans que j'aie autant de manipulations à faire. Mm-hmm. Ben, tu vois, moi, j'ai pas vu ça comme un problème, puis même au contraire, je trouvais ça intéressant parce qu'on pouvait aller à notre rythme. Donc, c'est nous qui entre le numéro, c'est nous qui sélectionne justement les boutons par la suite, donc pour avoir les compléments d'information. Puis moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai visité deux fois l'exposition, une première fois un peu comme toi, Louane, en écoutant tout au complet, et la deuxième fois, là, j'ai sélectionné certaines œuvres que je voulais voir, certaines explications que je voulais réécouter. Puis, ben justement, ça permet de s'attarder à ce qu'on a envie d'écouter, justement, précisément. Donc, moi, je trouvais ça intéressant pour ce côté-là, en fait. Ben c'est ça. Peut-être dire aussi aux gens, cet audio-guide-là, finalement, c'est des questions aussi qui nous sont posées. Hein? C'est vraiment une... En même temps, c'est ça, on peut dire, oui, ça devient peut-être un peu redondant à la longue d'avoir toujours cette pareil là, mais en même temps, ça nous amène à s'arrêter, à se questionner. Puis, je sais pas vous, moi, parce qu'en même temps aussi, il y a cet audio guide-là, on pose des questions directement aux gens. Il y a des fois, on les fait participer aussi, dire regarder une œuvre, se déplacer devant une œuvre, ouvrir une petite porte pour décrire à, par exemple, quelqu'un qui nous accompagne. Ça, j'avoue, en fait, moi, je suis allée seule à l'exposition. Donc, si j'avais eu quelqu'un qui m'accompagnait, c'est certain que j'aurais peut-être préféré justement les pauses pour pouvoir discuter justement de la façon dont moi je perçois l'œuvre, toi comment est-ce que tu la perçois, etc. Donc il y a peut-être cet aspect-là qui était absent de ma visite qui fonctionne très bien là aussi avec l'audio guide. Oui, mais c'est quand même le fun parce que généralement dans une exposition aussi, c'est comme silence. Là, on parle. Ah, il faut pas parler quasiment ou à peine chuchoter, mais bon, ça reste quand même un peu cliché là aussi tout ça, mais je veux dire, il y a aussi une place où on demandait aux gens d'écrire dans un cahier, puis ça a été plaisant parce que moi, je ne l'ai pas fait avec l'audio guide. Je l'ai fait avec... on pouvait remettre aussi un cahier où essentiellement, on avait exactement un peu, je pense, ce qui était transcrit, ce qui nous était dit dans l'audio guide. Mais j'étais intéressée aussi de m'asseoir puis de regarder les gens. Comment, si réellement, parce que moi, il y avait quand même, tu sais, ça reste que la Villa Bagatelle pour les gens qui ne connaissent pas l'endroit. Moi, c'était ma première visite. C'est une maison du patrimoine, hein, donc c'est une belle maison ancienne où on visite sur les deux étages. Mais reste que moi, il y avait une bonne, quand je suis allée dimanche, il y avait quasiment une bonne 10-12, c'était pas près de 15 personnes qui étaient là à visiter. Donc, en même temps, fait que c'était quand même intéressant aussi d'observer ce que les réactions des gens, est-ce que les gens se prenaient à ce jeu-là? Puis moi, à un moment donné, où les gens écrivaient dans le livre, ben ils l'ont fait, puis c'était rigolo quand même aussi. Ben moi, c'était vraiment, je pense, un des arrêts que j'ai préféré, justement, ce que tu parles, c'est une photographie de Raymond April. Puis donc, on nous demande d'essayer de deviner ce que la petite fille entend, en fait, elle écoute à une porte, finalement. Et donc, j'ai écrit vraiment spontanément ce que j'ai pensé. Et là, après, c'est amusant de retourner voir dans le livre puis de se rendre compte que finalement, ah, bien, on n'est pas un extraterrestre. Il y a beaucoup de monde qui ont eu la même vision que nous. Donc, ce genre de petit ces jeux-là. Il y a beaucoup d'interactivité, tu l'as dit. Donc ça, je trouvais que c'était un point fort. Puis sinon, tu as parlé aussi du nombre de personnes, de les observer. Moi, ça, je trouvais justement que le lieu, je trouvais que c'était peut-être un peu un point faible, en fait, de l'exposition, qui était très intéressante en soi, pour pas faire de jeu de mots, justement. Mais je trouvais parfois les œuvres un peu coincées, sérieusement. Entre autres, je me souviens d'une œuvre, une œuvre impressionniste, il fallait qu'on s'éloigne, justement, puis on voulait analyser notre perception de loin versus de près. Puis là, mon Dieu, j'avais peur d'accrocher le tableau juste à côté, puis je regardais aussi comment les gens se déplaçaient. Puis bon, je trouvais que c'était peut-être un petit peu... il y avait peut-être quelque chose à améliorer au niveau de la disposition, là. Mais c'est vrai, parce que je pense quand même cette exposition-là, si ma mémoire est bonne, compte au moins une bonne trentaine d'œuvres. Hein, oui, facilement. Quand même, puis c'est ça, c'est ça aussi. Effectivement, je suis d'accord avec toi de dire que c'est peut-être un peu exigu à certains moments, particulièrement aussi, je pense à l'œuvre de Jean-Pierre Morin, oui, avec les roulettes qui étaient au centre d'un tout petit espace. Mm. Bon, au moins, on n'avait pas à se reculer nécessairement, mais reste qu'effectivement, le lieu est assez petit pour la proposition, quand même importante, mais c'était le fun aussi, ce fait que c'était dans un espace plus de type maison. Moi, j'ai apprécié ça par le fait que on est, il me semble, il y a une proximité quand même avec les œuvres. On a plus l'impression d'être chez soi, en train de regarder une œuvre qui serait accrochée sur un mur de chez nous, là. Et je pense aussi que le fait de jouer un peu avec les spectateurs, où là, on nous demande de participer réellement, ben, ça enlève aussi comme tout l'aspect, disons, peut-être plus cérémonial autour du fait d'aller en exposition. Là, on va oser s'approcher, on va oser se baisser pour regarder une sculpture dans tous les sens. Donc, vraiment, je pense que le mode d'approche va changer. Puis, il y a aussi parfois des jeux qui vont changer ça. Donc, il y a un arrêt où c'est une œuvre qui est signée Riopel. Et en fait, il y a différents jeux qui, sans dévoiler aucun punch pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition encore, il y a un jeu qui se fait avec le spectateur où on tente de faire changer notre perception. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme perspective là, à amener, où c'est pas nécessairement... disons, c'est vraiment plus dans notre façon d'appréhender les choses que dans la réalité des choses. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit assez peu dans les arts en général. Oui. Eh bien, on va se permettre une petite pause musicale, histoire de ramasser toutes nos idées qui nous restent, parce que je sens qu'on a encore beaucoup de choses à jaser. Donc, on se prend une petite pause et on revient. Donc, on s'en va écouter l'extrait, donc « Dreadlock Saloon ». Thank you. Alors, on est de retour. Marie-Claire, là, je te sens fébrile. Tu voulais rebondir sur quelque chose que Louane venait juste de dire. Je te laisse la parole. Oui, ben en fait, moi j'ai vu aussi cette expo-là comme une manière de faire de la médiation culturelle, hein, parce que comme on est, on pose des questions, on dirige l'œil du spectateur sur l'œuvre et ben il y a une diversité fulgurante d'œuvres de toutes les époques dans cette exposition-là, dont des œuvres très très contemporaines, très actuelles, hein. Parfois ça rebute certaines personnes, tandis que là peut-être que on peut mieux justement les apprécier de cette manière-là. Donc moi je dirais que c'est un point fort, en fait. Ouais, ben c'était intéressant ce jeu-là, parce que finalement, c'est pas le genre d'œuvre qu'on aurait mis ensemble, mettons, facilement dans une exposition collective, tu sais. Je veux dire, d'avoir, mettons, un Dan Brault à côté d'un Antoine Plamondon, tu sais, ou pas très loin, c'est quand même audacieux, là. Faut le souligner. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'effectivement, comme tu le dis, on passe d'une œuvre à l'autre, mais sans trop s'accrocher sur est-ce que c'est une œuvre ancienne, c'est une œuvre récente, on embarque un peu. Je pense que quand on part, on embarque dans le jeu tout de suite qui nous est proposé. Là. Tout est sur un pied d'égalité, finalement. Ouais, exact, exact. Mmh. Ouais. Puis ça, d'autant plus que il y a des œuvres aussi qui sont parfois au mur, il y a des œuvres d'animation, il y a des sculptures. Donc, les médiums changent aussi. Donc ça, c'est intéressant, je trouvais... pour vraiment comprendre la diversité de ce qu'on peut voir comme œuvre d'art, et notamment dans la dernière salle où il y a une installation et une performance vidéo de Diane Landry, si je me trompe pas, où là, vraiment, en plus d'expliquer ce qu'on voit, on comprend aussi toute la démarche, comment est-ce que en différentes œuvres, ça va s'installer. Donc ça, je trouvais ça intéressant aussi, où à la fin, on nous laisse vraiment... avec un bagage d'outils qu'on a développé tout au long de la visite. Là. Ouais, ben moi c'était un peu là-dessus que j'avais envie de vous questionner. Qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous que il aurait peut-être fallu envoyer quelqu'un aussi qui est pas habitué d'exposition pour avoir sa rétroaction là-dessus? Mais je suis curieuse d'avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que ça va peut-être donner justement, comme tu dis, les outils aux gens pour mieux appréhender par la suite des expositions, qu'elles soient contemporaines ou autres? Ben moi, en fait, j'ai été un peu curieuse, un peu comme toi, je crois, dans le sens qu'il y avait des gens qui faisaient la visite juste devant moi. Et comme on suivait l'audio guide, ben je les ai suivis tout au long de la visite et j'écoutais ce qu'ils se disaient. C'était des gens qui ne semblaient pas nécessairement connaisseurs, des experts en art, etc. Donc j'écoutais leurs commentaires. Puis à la fin, en fait, pendant que eux discutaient justement des œuvres de Diane Landry, moi j'ai arrêté mon audio guide pour pouvoir écouter ce qu'ils disaient en tant que très curieuse. C'est bon. Oui, je suis démasquée. Et puis vraiment, en fait, leur discours par rapport à ce qui au début ce qu'ils disaient devant les œuvres, ben ça avait déjà chanté qu'il y avait quand même des changements, donc ils prenaient davantage le temps de s'arrêter, de regarder. Ça peut être quand même des œuvres qui sont déstabilisantes pour des gens qui ne connaissent pas nécessairement sa pratique. À Diane Landry, mais là, vraiment, ils se sont arrêtés, ils ont pris le temps de se questionner. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je connais déjà là-dessus? Puis après, tout remettre ça ensemble pour avoir un discours qui était peut-être un petit peu plus déjà élaboré qu'au début de la visite. Mm-hmm. Moi, j'ai questionné... j'ai pas fait tout à fait la même démarche que toi, Louane. Moi, j'étais accompagnée, mais de gens qui étaient quand même habitués de voir des expos. Fait que bon, c'était pas des très bons baromètres. Mais j'ai plutôt demandé aux médiateurs qui étaient à l'entrée. Puis, tu sais, tout simplement, je pense que c'est quand même un indice. Il m'a dit que d'habitude, les gens passent peu de temps à visiter l'exposition à la Villa Bagatelle, tandis que là, vraiment, il y a une moyenne de temps de visite qui est... assez supérieure. Oui, hein? Effectivement. Mais c'est sûr que si on prend pas notre temps, on passe à côté de l'essentiel de l'exposition. Donc, c'est ça aussi, mais j'ai l'impression que les gens se sont quand même laissés embarquer par cette aventure muséologique-là, finalement. Puis, en étant toute les trois, il y en a déjà, ben moi j'ai déjà été guide au musée, vous l'êtes actuellement. Je pense que c'est une chose aussi que qui est primordiale quand on va dans un musée ou voir une exposition, c'est de se donner du temps. Oui, et je pense que cette exposition-là va montrer aux gens aussi l'importance de prendre le temps et de regarder les œuvres, justement. Donc ça, je pense que c'est un coup de chapeau, hein, on peut dire. Ouais. Chapeau aux deux commissaires de l'exposition, là, qui sont Danny Coyne et Simon Grondin. Donc Danny Coyne, historienne de l'art, et Simon Grondin, qui est spécialiste de la perception du temps. Donc c'est quand même assez intéressant aussi comme match, on peut dire, de commissaires aussi qui ont pensé à cette exposition-là. Inusité, oui. Ouais. Ben, tu sais, moi, si il nous reste très peu de temps, mais peut-être juste dire, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, peut-être pour quelqu'un qui est plus habitué d'aller voir des expositions, puis en même temps, on est tous différents dans la manière qu'on visite, mais moi, c'est juste, à un moment donné, peut-être, ça devient un peu didactique, puis c'est sûr qu'on on prend un angle d'approche, alors que, ben, moi, une œuvre, c'est sûr que je sais comment j'ai plus d'outils peut-être que des gens qui n'y vont pas souvent, mais c'est un petit peu ça des fois. À un moment donné, j'étais comme, la direction peut-être vers un aspect, ou sinon, en tout cas. Ouais. Ben moi, pour rebondir là-dessus, je trouve aussi que, on a les trois des formations en historien de l'art. En tant qu'historien de l'art, on s'intéresse vraiment à ce que l'œuvre va dire, mais on s'intéresse assez peu à la façon dont on comprend les œuvres par nos yeux. Donc, moi, je trouvais que cet aspect-là, justement, était intéressant pour la nouvelle dimension que ça apportait, juste tout simplement au fait de voir. Mm-hmm. Ben c'est certain. Et Marie-Claire? Ben, moi, il y avait peut-être un petit élément justement qui me chicotait. C'est peut-être bien personnel. Je trouvais parfois, au niveau de la quantité d'informations, surtout la dernière séquence, qui était une explication très, très scientifique. Ça dépend des gens. Moi, ma concentration, après plusieurs arrêts, ça commençait à diminuer. Donc, ça, c'était peut-être un petit peu le petit bémol, justement, que j'apporterais, parce que sinon, l'originalité du concept vraiment est extraordinaire. Oui, ben d'ailleurs, c'est un concept que les commissaires aimeraient exporter. On leur souhaite, parce qu'il faut le dire, là, on a apporté toutes sortes de petits commentaires, mais en même temps, c'est rien pour dire que c'est quand même on sent l'effort colossal qui a été mis derrière cette exposition-là. Puis on vous invite à vraiment aller voir ça. C'est jusqu'à dimanche, donc le 13 décembre, à la Villa Bagatelle. C'est gratuit. On vous invite à aller voir, et il faut souligner qu'il y aura un catalogue qui paraîtra au mois de janvier, Marie-Claire. En janvier, c'est ça, on attendait. J'ai compris une subvention du CALC. Il y a tout un travail de recherche plus grand encore que l'exposition qui a été faite, et donc la publication en rendra compte. Donc, c'est à surveiller. Ben merci beaucoup, les filles, d'avoir fait l'expérience. Ben, merci, c'est un plaisir. Parfait. Donc, nous, on fait une courte pause et on se revoit pour la deuxième moitié de l'émission. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix à la culture. Les bouquins d'abord, les lundis 18h30 avec Barbel Rink. Les enfants du paradis, les lundis 17h30 avec Robert Boisclair. L'aérospatiale, les mardis 17h30 avec Audrey Caro et Gentilane Lafrance. Situation critique, les mardis 18h30 avec Pierre Blais. Et La vie en BD, les vendredis 17h30 avec Raymond Poirier. CKRL 89.1, Québec. Bienvenue à l'aérospatiale pour cette deuxième moitié d'émission. Je suis en compagnie de Frédéric Cordier. Bonsoir Frédéric. Salut, merci pour l'invitation. Ben ça fait plaisir. Tu exposes présentement chez Engram, donc une exposition qui s'intitule Cordier Inc. Mais Inc, il faut le dire, qui s'écrit INK. Hein, qui est comme l'encre, j'imagine. Est-ce que c'est ça? Voilà, l'encre. Alors, moi, je suis curieuse. J'ai quelque chose en lisant le communiqué. J'ai vu que on disait que tu étais née ici, au Canada, mais tu as fait des études à Lausanne, en Suisse. J'étais curieuse de savoir peut-être un peu ton parcours, là, comme ça. Qu'est-ce qui t'a amené à aller étudier là-bas et tout? Donc, c'est ça, je suis né au Québec. J'ai ma mère qui est québécoise et c'est mon père, en fait, qui est suisse. Okay. Et j'ai grandi ici, mais on est parti vivre en Suisse assez tôt. En fait, moi, j'avais 7 ans. Et donc, voilà, j'ai aussi grandi en Suisse et j'ai fait toutes mes études en art à Lausanne, mm-hmm. à l'ÉCAL. Et j'ai entamé ma carrière artistique aussi en Suisse. Mmh. Et là, donc ça fait 2 ans et demi que je suis revenu à mes sources au Québec. Oui. Ah oui, puis c'est bon. Puis je pense que c'est ta première exposition en sol québécois ou en dans les premières, sinon. Oui. Bon, oui, c'est ma première exposition solo à Québec. OK, super. Et j'ai une prochaine expo aussi à Montréal en 2016 et j'espère que ça va s'enchaîner. Ah ben c'est oui, effectivement, mais moi j'ai fait un petit peu aussi le tour de ton portfolio et puis ce qui m'a fasciné, c'est un peu ton approche de l'estampe, enfin justement des arts imprimés qui m'a intriguée parce que ça m'a semblé être beaucoup une approche in situ, donc vraiment qui se raccorde au lieu où tu vas exposer. Est-ce que ça se peut? Ah ben je tiens toujours compte de l'espace en fait dans lequel j'expose. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Il y a deux choses en fait dans l'exposition chez Engram. Il y a une partie gravure et une installation de papier peint aussi. Mm-hmm. Donc c'est quand même deux choses distinctes. Les gravures, c'est vraiment un travail d'atelier. Mm-hmm. Je grave des usines que j'invente ou qui sont inspirés de vraies usines parfois. Moi, je pense que sur la côte nord, notamment, par un petit voyage là-bas, ça t'avait marqué, c'est les usines qui se trouvent là-bas. Oui. À chaque fois que je voyage, je vais toujours dans les zones industrielles, en fait, pour m'imprégner de l'atmosphère, prendre des photos, regarder comment l'usine s'intègre dans le paysage aussi, parce qu'il y a souvent des contrastes assez intéressants entre des formes épurées, des formes géométriques et un contexte qui est plus organique. Mm-hmm. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent. Et donc, je reviens avec ces informations et c'est là que je me mets à faire des plans et à réaliser une gravure. Ouais. Et puis... Donc le titre de l'expo, donc mm-hmm. oui, ça fait référence à l'encre ink, mais aussi au domaine des entreprises ink avec oui. C cette fois. Ouais. Exact, c'est ça. Donc on voit le jeu de mots. Et puis ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que oui, il y a ça, ces gravures d'industrie qui sont là, mais c'est la façon aussi pour ceux qui sont familiers avec Engram de les avoir disposés aussi avec une espèce de mur aussi qui rappelle industriel, comme en aluminium ou enfin c'est vraiment un mur qui nous rappelle ça ici. Quelle était ta volonté avec cet espace? L'aménagement de cet espace? Alors, il faut dire que ça n'a pas été facile, en fait, de trouver une idée pour présenter mon travail chez Engram. Je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, parce que c'est un espace qui est très vitré mm-hmm. et qui pose certaines difficultés quand on veut afficher des images. Mm-hmm. Étant donné que mes gravures étaient réalisées depuis un moment, en fait, je me suis concentré justement sur le dispositif pour les présenter oui. et j'ai trouvé ce matériau en fait qui est de la tôle ondulée donc qui donne un aspect très très industriel qui offre aussi l'avantage de pouvoir aimanter mes œuvres. Donc, je voyais quelque chose de très pratique et de très beau aussi. Ben moi, je trouve qu'il y avait une très belle connexion, justement, avec le sujet même qui était là, exposé. Ça rappelait beaucoup aussi, c'est ça, ces industries-là, le côté très industriel des éléments qu'on y retrouve. Fait que ça ajoute, je trouve, à l'expérience aussi, comment on reçoit ces œuvres-là. Ouais. Bon, et puis, sinon aussi, il y a cette murale, tu as mentionné, il y a une murale, un genre de papier peint qui, moi, me faisait beaucoup penser à des, comme des genres d'engrenages aussi mm-hmm. Qui se succèdent, mais ouais. C'est très, très fort, hein, autant dans tes dessins que dans ce genre de murale en papier peint comme ça, je veux dire, qui, c'est très, l'effet optique est très, très fort quand on regarde ton travail. Oui, tout à fait. Donc, c'est sûr que l'art optique, c'est quelque chose qui m'intéresse, que je trouve très très séduisant. Ce que j'essaye d'y apporter, moi, en fait, j'essaye d'insérer de l'erreur, en fait, dans cette perfection. Oui. Donc, par exemple, ce motif que j'ai imprimé en papier peint. Donc, j'ai créé une sorte de pavage dans lequel j'ai inséré des zones d'erreur. C'est un papier peint qui est imprimé en affiche. Donc, il y a plusieurs affiches différentes à partir du même motif. Et ça me permet de jouer avec les différentes zones d'erreur et de créer une sorte de tableau, en fait, avec du papier peint. Mm-hmm. Oui. Et puis, c'est ça, c'est parce que je dis ça aussi parce que je suis allée jaser avec Armelle qui travaille chez Engram, puis elle était disposée devant la murale et puis je lui parlais, mais j'avais de la difficulté à la regarder tellement c'était fort puis que ça fonctionnait bien aussi, cet effet optique-là. Mais enfin, j'étais curieuse de savoir, justement, bon, tu dis qu'il s'en vient une exposition pour toi à Montréal. Est-ce que tu as des résidences aussi qui s'annoncent ou qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans l'année 2016? Alors, je continue à exposer en Suisse. En fait, j'essaye de rester actif aussi en Suisse. Donc, j'ai trois expositions en 2016 en Suisse. La prochaine, c'est au Musée des Beaux-Arts à Lausanne, en fait. C'est une exposition qui s'appelle Accrochage et qui regroupe des artistes du canton de Vaud. Okay. Donc, dans cette exposition-là, je vais aussi montrer des gravures. J'ai aussi été invité pour une exposition dans une église. Donc c'est une exposition collective dans laquelle il faut créer une œuvre in situ, un projet spécifique. Ouais. Et donc ça sera en avril 2016. Ok. Ah ben c'est super. Ben dans le fond, ça va tout avec. Moi, je vous invite, en tout cas, chers auditeurs, à aller voir ton site, justement, parce que je trouve qu'on peut faire un bon survol, puis voir aussi un peu, quand je parlais, le travail in situ, bon, des fois, des papiers collés sur des espèces de blocs de béton, mais en pleine nature ou dans des lieux désaffectés. Donc, déjà là, tu parles d'église, puis il me semble que je me fais déjà une image un peu dans la tête de tout ça. Là. C'est super intéressant, mais je trouve que c'est un lieu où on ne voit pas nécessairement l'estampe, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de ça. Moi, je crée des motifs. Mm-hmm. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de créer un dialogue entre le motif et l'espace dans lequel je vais exposer. Donc c'est ça, j'ai créé différentes installations dont j'ai déjà fait une installation dans une usine en démolition en Géorgie, à Paris aussi dans une usine, donc dans différentes sortes d'endroits. Donc ça, je pense que c'est tout à fait intéressant par rapport au motif, pour sortir de l'aspect décoratif auquel il est souvent associé. Mm-hmm. Je pense qu'il faut aller plus loin et puis trouver un dialogue avec l'espace. Oui, tout à fait. Puis ça, on le comprend très, très bien quand on visionne justement ton portfolio et aussi, même, je trouve, en gramme, cette façon comment tu as été réussi à résoudre un peu un problème de l'espace aussi, mais de façon peut-être plus circonscrite dans l'espace d'exposition même. Mais quand même, bravo. Moi, j'ai bien apprécié cette exposition-là. Merci. Et je pense qu'elle est jusqu'à dimanche également aussi. Donc, je vous invite tous à aller voir à Engram cette exposition. Frédéric, merci beaucoup d'être venu nous parler. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Parfait. Donc, nous, on fait une courte pause audio et on se voit au retour. Nous sommes de retour à l'émission et j'ai le plaisir de m'entretenir au téléphone avec Stéphanie Auger qui présente l'exposition Le Plan chez Regard, bien sûr, de l'autre côté du fleuve à Lévis. Alors, bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Alors, je suis allée voir cette exposition-là cette fin de semaine. Il faut dire aux gens que tu travailles essentiellement en peinture. Tu es une toute jeune diplômée également aussi. Et j'étais peut-être curieuse que tu nous parles un peu de ton travail en général, de nous parler un peu de qu'est-ce que tu fais avec la peinture. Oui. Alors, oui, je travaille en peinture, mais c'est pas dans l'optique de faire une œuvre murale, un tableau. Enfin, c'est vraiment dans une approche plutôt installative ou parfois sculpturale. Là. Donc, oui. Trouver des façons d'utiliser la peinture pour sa couleur, pour sa texture, mais intégrer ça à une installation plutôt par exemple dans mon expo en ce moment, c'est une œuvre qui est plutôt architecturale là, qui est de grande dimension là, oui, qui est assez énorme là, oui. Puis voilà, c'est vraiment pour sortir utiliser la peinture comme un autre matériau dans une installation. Oui, puis il faut dire que ce sont de grandes pièces qui jouent aussi beaucoup avec la couleur, mais il faut rappeler que chez Regard, cette année aussi, la programmation est tournée beaucoup autour de la sculpture et je trouve que cette pièce-là, justement, vient très bien s'inscrire dans cette idée-là d'occuper l'espace. Quand on pense à sculpture, c'est occuper l'espace. Là, on est dans le très grand format. Est-ce que ça nous amène à nous déplacer? Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette proposition plus en détail, ce que tu nous présentes et un peu c'était quoi ton idée avec ce projet-là chez Regard? Oui, alors en fait, mon idée de départ pour lorsque j'ai fait l'appel de dossier à Regard, c'était vraiment de trouver une manière d'utiliser mes recherches là, qui allie peinture dans ce qui est installation pour vraiment faire quelque chose de démesuré, puis simplement avec une toile peinte puis une structure simple, vraiment envahir l'espace là, puis c'est vraiment par la lourdeur de la forme qui contraste avec un peu sa fragilité que ça joue. Là, on sent vraiment que c'est un objet qui est massif, qui est vraiment, mais qui est à la frontière vraiment entre la peinture et la sculpture. Là. Donc, c'était d'aller vraiment au plus simple, puis exploiter le format. Là. Oui. La forme. Oui. Et puis, c'est intéressant parce que cette très grande toile est étendue donc à angle dans l'espace. Elle est bleue. Et moi, je me rappelle, parce que j'avais vu ton travail à l'exposition des finissants il y a 2 ans, je pense. Un an et demi, deux ans, oui, c'est ça. Donc, tu aimes beaucoup le bleu. Ça semble être une de tes couleurs de prédilection. J'étais curieuse de t'entendre à ce sujet-là. Qu'est-ce qui te fascine avec le bleu en particulier? Souvent, je travaille avec le bleu pour certaines caractéristiques précises, là, comme le fait que c'est une couleur qui est vraiment absorbante, dense, puis que selon la teinte qu'on utilise, peut être soit vraiment brillante, vraiment un peu déroutante, ou plus foncée, peut être vraiment un peu mystérieusement présente. Ça vient chercher beaucoup. Simplement par un effet coloré là, profond. Là. Oui, oui. Et puis, moi, ça me fait penser un peu aussi à certaines références. Bon, OK, si on peut dire mon bagage d'historienne de l'art ressorti un petit peu en regardant une de tes pièces, puis ça me faisait bien sûr penser à toute l'histoire du monochrome, à Yves Klein aussi, avec des monochromes très bleus aussi, un peu dans des teintes qui se ressemblent à ça. J'étais curieuse de savoir, est-ce que ces influences-là, on pense aussi par la forme au minimaliste, là, je veux dire, à ces grandes pièces très sobres, très simples, qui occupent l'espace. Enfin, j'étais curieuse de savoir est-ce que c'est par exemple, ces références-là jouent un certain rôle dans ton travail? Bien, je comprends qu'on peut le lier d'emblée là, à ce que je fais. Par contre, moi, je suis vraiment arrivée à faire ce genre d'œuvre-là un peu moi-même par un travail d'épuration par rapport à ce que je faisais avant. Et donc, je connais ces artistes-là, mais par exemple, quand je travaille sur mes projets, je pense jamais à Yves Klein. J'ai eu des inspirations peut-être un peu plus contemporaines, comme Carla Black ou Jessica Stockholder ou Anish Kapoor, mais c'est vraiment un intérêt qui est par les matériaux, qui passe par peut-être, je crois, une autre voie un peu, même si ensuite, par la forme, là, ça s'incarne de façon similaire. Là. Mm-hmm. Non. Oui, et puis dans le fond aussi, ce qui est quand même particulier, c'est que on peut se promener, hein, faut le dire aux gens, on peut faire le tour quand même de cette très grande pièce. Il nous reste 2 petits corridors sur les côtés. Puis j'invite les gens à aller derrière parce que ça nous amène aussi une autre dimension de l'œuvre aussi. C'était une volonté pour toi que les gens se déplacent justement derrière l'œuvre? Mais ça s'est décidé plutôt au moment de l'installation, cette section-là. Au début, j'avais prévu aucun espace, même sur les côtés. Mm-hmm. Mais finalement, je trouve que ça ajoute un contraste peut-être entre l'effet que je voulais faire, qui est assez précis là par rapport à la grosse masse colorée qui est vraiment profonde, qui est présente. Puis ensuite, en faisant le tour, on se rend compte que c'est fragile, que c'est une toile très mince, que ça tient à une structure relativement simple puis de morceaux récupérés. Là. Donc, c'est pas l'essentiel de l'œuvre, mais ça permet de comprendre ce contraste-là, je crois. Oui. Et puis, on me dit, moi, ça a piqué ma curiosité parce que de trouver une toile de si grand format, ça doit pas être très facile. Non, on a fait beaucoup de recherches. Moi, j'ai la chance d'avoir une mère qui a travaillé dans le milieu muséal pendant 30 ans. Mm-hmm. Donc, elle m'a aidé beaucoup pour ça. On a fait des recherches au Canada. On a contacté des entreprises qui travaillent avec le théâtre, les opéras, des choses comme ça. Mais on s'est fait dire que ça n'existait pas au Canada. Donc, on a contacté une compagnie à Chicago qui spécialise en matériaux pour des décors hors normes. Là. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça que j'ai pu trouver. Là, ça a été des recherches assez compliquées, mais effectivement, c'est assez naturel. Voilà. OK, super. Eh bien, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, justement, suite à cette exposition-là? Est-ce que tu as des projets particuliers pour 2016? En ce moment, je suis sur des différents appels de dossiers avec collectifs, pour des projets collectifs puis des projets solo. Là, donc, je travaille par moi-même sur mes projets puis j'essaie de voir ce qui s'en vient. Là. Ben, c'est super. Écoute, je te souhaite un franc succès parce qu'en plus, il faut quand même le rappeler qu'en 2014, tu avais été lauréate du prix Première œuvre de BMO, hein, qui était quand même une bourse importante de 5 000 $ et aussi que tu avais eu la chance, je pense, de présenter l'œuvre qui avait été soumise dans un musée important au Canada. Oui, au Musée d'art contemporain à Toronto, là. Il y avait eu l'exposition de tous les lauréats pour le prix BMO. Donc, c'était tout un événement. J'ai pu me rendre à Toronto pour ça. C'était vraiment un bon coup de pouce. Ça commence bien une jeune carrière quand même. Ça donne un bon coup de main. Oui. Super. Ben écoute, peut-être rappeler aux auditeurs que l'exposition est chez Regard jusqu'au 18 décembre et que, bien sûr, on les invite tous à aller prendre le traversier, hein, parce que moi, c'est ce que ça m'a permis de faire. J'ai fait un petit tour de traversier, aller voir ça, puis en même temps, il y a quand même des beaux liens, le bleu, le fleuve aussi à ce temps-ci de l'année et tout, quand même. Ça fait un moment de transition avant d'arriver à l'expo. Exact. Bien, écoute, je te remercie beaucoup, Stéphanie, d'avoir parlé avec nous aujourd'hui. Et puis, ben, peut-être au plaisir de te reparler dans des émissions futures. Oui, merci. Merci. Alors, nous, on poursuit, on prend une petite pause musicale encore une fois. C'est toujours l'artiste Mild Tape. Et cette fois-ci, on s'en va écouter un extrait dont je suis désolée, j'ai mal pris en note mon extrait, mais c'est sur l'album Wild Tape. Comme toujours, on fait un survol des événements à venir cette semaine. Vous dire que vendredi, c'est le vernissage à Materia de l'exposition Homopolis de l'artiste verrier Stephen Pond et c'est à 17h. Sinon, ce samedi, il y a le colloque et l'ouverture de l'exposition de Michel Terrand à la Chambre Blanche dont on a parlé justement la semaine dernière et c'est à compter donc de 14h que vous pourrez assister à cet événement samedi. Sinon, peut-être vous dire que c'est la dernière semaine pour voir, bien sûr, L'art en soi à la Villa Bagatelle, Fanfare et autres pièces d'Aline Martineau à la Maison Amel Bruno, sinon Cordier Inc. de Frédéric Cordier à Engram et Dear PM de Chris Lloyd au lieu. Alors voilà, c'est un petit survol, mais quand même plusieurs expositions qui se terminent cette fin de semaine. Alors armez-vous et on va visiter en fin de semaine. Donc, toutes les informations de l'émission ainsi que la balado-diffusion sera disponible sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com ainsi que, bien sûr, la sélection audio de Simon Roy qui était cette semaine Mild Tape. Je remercie mes invités Frédéric Cordier et Stéphanie Auger ainsi que mes collaborateurs Simon Roy, Marie-Claire Tremblay, Louane Bourdeau et Jacques Gignac, toujours à la mise en ordre. Je salue ma comparse de cette émission, Jean-Tien de la France, que vous aurez le plaisir d'entendre au mois de janvier, justement, à notre retour. Je cède l'antenne à mon ami Pierre Blais et son émission Situation critique, qui suit dans quelques minutes. Au plaisir de vous parler la semaine prochaine à l'aérospatiale. Bonne semaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Je ne tiens